de Guillermo Guiz. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Salut, c'est un salut. Bonheur de retrouver l'équipe et de revenir bosser. Ceci dit, avant de persévérer dans les mensonges, deux trois précautions d'usage. Je préviens direct tout le monde. J'ai pas tout donné sur cette chronique. Pourquoi ? Non, c'est stratégique. En fait, l'année passée, je sais pas si vous vous rappelez, mais ma première intervention, elle était super. Et puis après, j'ai décliné toute l'année. Comme non, grosse échéance. C'est vrai. Ouais, je crois que ça a fort joué sur le moral des Français, je crois. Vraiment, l'abstention, tout ça, le code du travail, le 11 septembre. Et en plus, l'année passée, on m'a engagé en me faisant oui, on veut ton regard de Belge sur la campagne présidentielle. Ah et, bon mais cette année, électoralement, il y a ouais, look. Vraiment, on m'a juste dit tu veux pas rester, s'il te plaît, parce que tous les autres chroniqueurs sont barrés. On a même dû engager la moitié de la Suisse. C'est dire qu'on est vraiment en chien, là, pour le moment. Là, si on part comme ça, on va finir par devoir aller taper dans le Québec. Hein, pour en prendre d'autres. Non, vraiment, donc j'ai décidé de démarrer sur une chronique très moyenne. Un truc qui sera au mieux relayé par des internautes rageux et des faux comptes de prostituées. Et c'est vraiment dommage, parce que je suis hyper fan de Roche Dizem. Je m'étais dit, tu vas faire une chronique de ouf, d'office après, vous êtes devenir pote et tout. Mais hier, quand je me suis lancé dans ce billet, une flemme, Roche dit, un truc. Même digéré, je trouvais ça casse-couille. Vraiment, sérieux, bosser au retour des vacances. Putain, ça donne envie de crever dans une dispute. Franchement, il faudrait un battement. Je sais pas, 6 ou 7 mois comme ça pour oublier que 2 jours avant on regardait l'océan en bouffant des gastéropodes. C'est ça la vie, vraiment. C'est se demander à la 9e sangria si l'argument fruit tient toujours, tu vois, c'est ça. Non, c'est ça. Ça, c'est la vie, quoi, putain. J'étais là hier, je me disais, vas-y, trouve des vannes pour Roche-Di et tout, même des vannes moyennes, on s'en fout. On a des auditeurs intelligents, des gens empathiques. Ils comprendront que j'avais pas la niaque et que si j'avais bossé un peu plus, peut-être on aurait ri. Mais rien. J'étais à Bruxelles, vraiment, il y avait du soleil et tout le monde était sorti. Mais je te jure, tout le monde est sorti dans la rue par curiosité. Chez nous, on a l'inverse. On a l'inverse des éclipses. Le soleil apparaît une fois tous les 160 ans. Et ça se fait et tout, les gens font l'amour avec des personnes de toutes les tailles. Et je me suis fait violence. J'ai appelé le rédac chef de l'émission, Jean-Baptiste, il me connaît bien, il m'a fait alors cette cirrhose. Je fais ça va, ça progresse. On est sur un congé maladie pendant pas longtemps. Et là, je lui dis pour la chronique, je fais tu veux que je parle de l'actualité? Et il me fait non, surtout pas mon vieux, surtout pas, reste sur ton cas perso. Sous-entendu, parle-nous plutôt de ta life de cassos. Hein, tu vois, sous-entendu, laisse l'actu aux chroniqueurs qui ont du talent. Tu vois, laisse sous-entendu, dès qu'on peut virer un emploi aidé, tu gicles. C'est ça qui est cool sur France Inter, tu crois que c'est le Larzac, mais en vrai, c'est le bus de l'équipe de France, quoi. Et moi, je suis Johan Gourcuff. Ouais, franchement, ceci dit. T'es pas blessé. Ça m'arrange de pas parler d'actu parce que pendant l'été, moi, je suis heureux et quand je suis heureux, j'ai pas envie d'écouter les infos, quoi. Franchement, c'est vrai. Tu vois, on me dirait, t'as entendu, le gouvernement rétablit l'esclavage. Là, ouais, ok, mais bon, je dois mettre de la 15 ou de la 30. Parce que moi, j'ai un corps germanique, tu vois, je bronche pas, je parais juste moins malade qu'avant, en fait, franchement. Donc l'idée, l'été, c'est pas une saison pour la démocratie, franchement. Quand il fait plus de 20 degrés, j'ai un de ces autres regards sur la collaboration, un truc de fou. En vrai, le seul truc d'actu un peu récente qui m'est parvenu aux oreilles, et je le sais de source sûre, c'est qu'un des membres de la bande originale a passé ses vacances au Club Med. Quoi ? Comme quoi ça te pique de grande culture autour de cette table, mais ça finit comme tout le monde, hein. Birkenstock aux pattes, à siphonner des open bar. Moi j'ai pas eu de vacances. Et là il y a les fans de Leïla qui se disent mais comment t'es le plus. Non mais j'ai pas eu de vacances. Moi j'étais dans le Lot. C'est pas Leïla. C'est pas Leïla qui a passé ses vacances au Club Med. Pas plus que Nagui d'ailleurs qui je rappelle possède le Club Med. Et qui n'y va plus pour d'évidentes raisons d'hygiène. Les gens se sont laissé les voix maladie à la maison patron. On vous envoie l'échec. C'est Tanguy. C'est Tanguy Passion. Non, c'est un membre éminent de l'équipe, une ordure notoire, un snob, dédaigneux, et proto chauve que je vais pas dénoncer. T'étais au Club Med ? Que je vais pas dénoncer. Sans blaguer ? Non. D'accord. Il était comme ça, Yann Gourcuff. Hein. Ça existe encore les colliers les boules ou... Les boules au Club Med, ouais, plein. Bon, je ne le dénoncerai pas, quoi. Il était comme ça, Yann Gourcuff. Tu vois, au début, tout le monde pensait que ça allait être bien. Puis finalement, le mec était trop timoré pour faire une vraie carrière. Allez, bonne saison, les amis. Merci, Guillermo. Grande forme. Guillermo.